Soisou, j'ai demandé 10 petits sous, 10 sous percés. À la Soisou, j'ai demandé 10 petits sous percés. Moi qui ai chanté tout l'été, de Plounéou à Plounévé, je me suis amusé jour et nuit, et j'ai plus un radis. Mais la cigale et la fourmi ne sont pas des amis. Et la Soisou n'a pas pitié d'un petit chanteur fauché. J'irai jouer au domino ou à la pêche au bigorneau. Avec ce que je gagnerai, je la rembourserai. Je lui ai dit, Rodine Dustu, tu vois pas que je suis mal foutu. C'est pas pour aller boire un coup, c'est juste pour mes louzous. Mais la fourmi n'a pas plié et Soisou m'a crié. Ici t'auras pas à la patte qu'est t'as dans la bourrade. À la Soisou j'ai demandé 10 petits sous, 10 sous percés. À la Soisou, j'ai demandé 10 petits sous percés. V'là qu'elle me dit, j'ai une idée, j'ai besoin d'un homme pour m'aider. Je te donnerai 10 sous percés, allez viens m'embrasser. Et c'est ainsi que la cigale épousa la fourmi. Mais cette casaque, dès le lendemain, m'a fichu au turbin. 6 heures du mat, soupe au café, et on chante toute la journée. À midi dur, à tabrinique, le soir farce pitilique. Et elle me crie, mouille ta chemise. Moi je dis, Soisou, mes os cuise. Elle me dit à l'heure, t'auras pas de soupe, en me jetant des pouloutes. Ma vie de cigale est un enfer, chez cette mouille.